C'est Pete Bacardi, c'est Pete Joe, de Paris aux États-Unis d'Amérique, c'est ça l'équipe. Le B, le A, de C, A, R, D, I, c'est Pete Mike, et tu le sais. Everybody was partying, from the thugs to the highies. Let me see you move your body. I wanna get with you tonight. Everybody was partying, from the thugs to the highies. Let me see you move your body. T'es les marrons du beau, mon sourire déplaît à peu. Y'a des mecs qui ont des plans meufs disant c'est mon pote Pete. L'autre petite qui m'a embarré me disant que je suis moche. On court après, elle m'a vu 8ème ou 8 machine. Très peu je frime, je suis ce ghetto d'or brave qui signe les autographes sans faire de faux d'orthographe. Car ce qui paraît, j'ai pris la grosse tête. Parce que je relate des fêtes, sur on lâchera pas l'affaire d'un fou. J'ai ces grosses fesses, des grosses faces de mecs dans la rue m'interpellent. Demande leur faire les textes de moi en la cap. Et là, je deviens célèbre et je vibre au clap du peuple fier de porter mon insigne. From the thugs to the highies, let me see you move your body. I wanna get with you tonight. Everybody was partying. From the thugs to the highies, let me see you move your body. I wanna get with you tonight. Sure, yeah. You're a badass ghetto queen, and I'm a pimp with a gangsta name. Sipping bubbly, feeling nice. I gotta get that tonight. Just get it from it, girl. If you want. Mon bled, le vrai Makusa, champion d'Afrique, loin d'homme table. Je vous remets ça sur disque, puisque je risque l'anonymat. Si je me tais, je pisse, c'est mon discours, c'est. Hey, lève ton verre et ton briquet. Faites la hola, je joue le maillot à la mila. Hey, hello Bella, ne cesse pas d'épeler le nom du bel homme, surnommé ghetto ambiance. Un nouveau joyau qui va enjailler tous mes adeptes, indispensable quand vous festoyez. Mon disque sponsor, pour tous les prisonniers sponsor, pour tous les mecs et meufs, on m'a des escaliers. From the thugs to the highies, let me see you move your body. I wanna get with you tonight. Everybody wants to party. From the thugs to the highies, let me see you move your body. I wanna get with you tonight. Qui c'est qui fait bouger les lascars? Tu sais qui c'est? Paris, New York, ghetto superstar. Tu sais qui c'est? Genre saccadé, flacadé, c'est tous les murs, Bacardi. Ghetto ambiance à chaque année. J'ai ce qu'il faut, ce qui fait jacassé. Hein. Déjà les mains en l'air, j'étais pas encore braqué. T'es moins de flow qu'il a fallu renflouer la scène. Hein. 6, 5, 7, 7, mix, sac, ça sonne jusqu'en fer. Péter les compteurs de la SACEM. Ghetto ambianceur. Les frères et sœurs. Et tu sais, Bacardi fight. C'est l'année des jeux. Avec ma première classe, j'ai des cases. A tout le lascar dans la place. Ah, c'est Pete Joe, de Paris aux États-Unis d'Amérique. C'est ça l'équipe, une fois de plus. Rêve pour toi, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto ambianceur. Je vise le monde, Paris, NYC, un bon flow. A chaque minute, à chaque heure, à chaque seconde. C'est Pete Joe Mike. Lève ta main, lève ta main en l'air. Et tu le sais, lève ta main, lève ta main, lève ta main en l'air. with the mic. Voix de plus. Avec un flow qui fait danser les foules de Paris 18 jusqu'au 19e, jusqu'à Marseille et partout en France. Want you later.